Exercice 6, page 132. A. Il faut le faire. B. Il faut le fermer. C. Il faut le fabriquer. D. Il faut voir. E. Il faut voter. F. Il faut voyager.